Bonjour Tiphaine et bon après-midi à vous. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Elle a quitté la vie en 1971, couverte de gloire et d'argent, vivant dans un hôtel de luxe, après avoir radicalement modifié la mode de son temps. Mais Gabrielle Chanel a également connu une vie entourée de catastrophes. La mort de sa mère très jeune, l'abandon par son père avec toute sa fratrie, le suicide de ses sœurs, la mort de l'homme qu'elle a le plus aimé, Boy Capel. C'est dans les années 20 que cette femme, finalement solitaire, avait fait son entrée fracassante dans le monde de la mode. Ces années que nous commémorons depuis 10 jours dans la Compagnie des œuvres. Car après Jacques Rigaud et Man Ray la semaine dernière, nous poursuivons cette semaine notre évocation de cette décennie rugissante avec deux premiers épisodes consacrés au peintre japonais Fujita, figure de Montparnasse, avec sa mèche dite en chien et ses tableaux d'un blanc presque transparent. Tandis qu'hier, c'est de la biographie de Mademoiselle Chanel dont nous a parlé Isabelle Fimeyer. Toutes ces émissions sont évidemment disponibles en téléchargement. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, pour continuer à parler de Chanel, mais cette fois dans le contexte plus large de la mode, durant les années 20, nous sommes avec Olivier Saillard, directeur pendant 8 ans du Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris. Il est depuis 2018 directeur artistique de la maison Weston et c'est en tant qu'historien des modes qu'il publie aujourd'hui avec différents autres contributeurs l'ouvrage intitulé « Le bouquin de la mode » qui paraît dans la collection bouquin des éditions Robert Laffont. Bienvenue à tous dans la Compagnie des œuvres. Chanel, si vous me demandez ce que c'est la première styliste qui a donné cette attitude moderne que les femmes n'avaient pas avant. Elle n'était pas une simple boutiquière, elle avait un look, un style, et ça devait être plus rigolo avec elle qu'avec les autres. Coco, vous savez, elle a rien compris et tout compris. Ça veut dire, elle s'est compris elle-même. Elle trouvait qu'elle était parfaite, que ça lui allait bien, qu'elle était bien dans son temps. Et Chanel a apporté elle-même. Mais c'est déjà pas mal. Chanel a laissé un style, une chose qu'on peut identifier à la seconde, qui est à la fois intemporelle, mais qui doit être à la mode. Son style, c'est le style d'une autre époque, mais qui a survécu et qui a su s'adapter à la modernité de toutes les décades successives. Vous avez reconnu bien entendu la voix de Karl Lagerfeld, disparu il y a presque un an, et qui était l'artisan de la renaissance de la marque Chanel à partir des années 80. Bonjour à vous Olivier Saillard, merci d'être avec nous. On va refaire une petite histoire de la mode du temps de Chanel, en parcourant cette histoire par décennies, parce que vous avez rédigé dans le bouquin de la mode les textes réunis sous le titre « La mode sous l'autorité ». Des décennies, est-ce que la décennie c'est quelque chose qui existe réellement, stylistiquement parlant, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on reconstitue comme ça a posteriori selon vous? Alors c'est très curieux, on s'était beaucoup posé de questions sur la manière de maintenir ce titre, la mode sous l'autorité des décennies. Cela veut dire que la décennie est une espèce de papier carbone pour les modes, et ça l'est vraiment. Il y a quelque chose. Comment vous expliquez ça? Mais il y a un mystère un petit peu des décennies qui fait que tout à coup, en effet, on parle des années 20, mais je pense que ça dépasse largement le climat de la mode. On parle des années 30, on parle des années 40, et tout de suite, il y a un pictogramme d'une silhouette qui apparaît. Peut-être qu'on pourrait dire le pictogramme d'un art, d'une architecture, et que tout cela va un peu de pair. Peut-être que c'est un petit peu plus confus, plus on s'approche de soi, encore que je pense que c'est la même chose. Et on a donc gardé cette identification des décennies pour désigner la mode, même si, après, alors, il y a des subtilités. Les années 10 commencent un petit peu avant et se terminent un petit peu plus tôt. Et les années 20, on peut faire coïncider un petit peu le curseur à des époques qui sont largement, qui les précèdent. Ou qui finissent. Il y a des grands moments de mode ou des moments de l'histoire qui précipitent une décennie à sa fin ou qui commencent une autre. Peut-être aussi que les créateurs se disent « on entre dans une nouvelle décennie, il faut imprimer un nouveau style ». Peut-être que vous-même vous vous dites ça à l'orée de la nouvelle décennie 2020. Je pense que chacun y pense, mais qu'on n'est pas maître de ça pour autant. On est souvent aussi accompagné par le destin et historique d'une société, et puis aussi par on peut pas le faire seul, c'est-à-dire que si on se réfère justement à Chanel, s'il n'y avait pas aussi cette période d'émancipation féminine, elle aurait eu beau s'habiller comme elle voulait, elle serait restée une excentrique. C'est cette adhésion du groupe à la singularité d'une femme qui fait qu'on entre dans une décennie, ou d'un homme, vraiment. Alors on va reprendre un petit peu donc cette histoire, vous-même vous la commencez en 1900, par la première décennie du siècle, il y a quelques noms qui émergent, et notamment le nom de la comtesse Greffeuil, qui a beaucoup fait pour définir la mode de cette première période du siècle. Alors oui, la comtesse Greffeuil, qui est, comme beaucoup le savent, une des personnalités qui a inspiré le portrait de la duchesse de Guermantes à Proust, était une personnalité très à part à Paris. Donc on dit Greffeuil ou Greffeuil alors ? La famille dit Greffeuil, ah. Mais je crois qu'on peut dire Greffeuil. Mais je crois que c'est Greffeuil. Et donc, c'est le destin d'une femme immédiatement repoussée par son mari richissime, qui était un coureur de jupons. Et elle courait après les robes, par dépit, mais avec un sentiment très haut de son goût. On a retrouvé dans les archives, elle écrivait beaucoup, assez bien, et on a retrouvé dans les archives de la Greffeuil le testament qu'elle avait rédigé pour décrire la silhouette, la robe dans laquelle elle voulait être. C'est très particulier, c'est un peu, comment dire, du prophétique. Il y a une valeur très très énigmatique à cela. Elle avait pris la photographie avec Nadar, donc elle faisait ses premiers selfies à elle. Une beauté étrange qu'on ne saurait plus tellement qualifier aujourd'hui, rousse probablement, le teint très pâle, et sûrement un grand air de mélancolie. Et surtout, ce que l'on raconte, enfin ce qu'elle-même raconte, c'est qu'elle avait pour habitude de faire venir tous les couturiers à domicile, elle ne se déplaçait pas, c'était vraiment les fournisseurs qui se déplaçaient chez elle. Et après avoir vu toutes les collections, avec un air un petit peu las, elle disait « écoutez, tout cela est très beau, faites-moi autre chose qui ne ressemble pas à ça. » Alors, parmi les couturiers qui venaient chez elle, il y en avait sans doute deux en particulier, dont parle d'ailleurs Proust dans « À la recherche du temps perdu ». Là aussi, c'est... Alors, commençons par lui, Fortuny. Fortuny, oui, elle a été une des premières à faire un peu la promotion de Fortuny. Et dans les textes, plus exactement, si on regarde les griffes de sa garde-robe, c'est Babani. Alors, c'est entrer un petit peu dans les secrets de la mode, mais Babani diffusait, d'une certaine manière, les tissus Fortuny. Et il s'est mis après à faire de la mode. Et c'était, alors, des vêtements qui ont complètement disparu, des vêtements d'intérieur. On recevait beaucoup chez soi, et indépendamment... des heures de la journée, on s'habillait pas de la même manière, et donc elle commandait beaucoup de ce qui est très proustien, de déshabillés, de robes d'intérieur. Il faut pas imaginer qu'elle recevait en robe de chambre. Hein. Mm-hmm. C'est des Elle devait d'ailleurs changer de tenue toute la journée. On changeait environ 7-8 fois de tenue dans la journée. Donc et la famille qui a légué toute la garde-robe au palais Galliera permet aujourd'hui d'identifier ce qu'était la vie de cette grande aristocrate au jour le jour, entre ses fonctions mondaines, ses fonctions sociales, puisqu'elle a aussi eu cela, ou la fonction strictement narcissique. Mais en effet, Fortuny est très... Babani, Fortuny sont très présents dans la garde-robe après 1900. Il y a un avant-après, il y a la garde-robe très belle époque de la Greffeuil, avec des vêtements très particuliers, beaucoup de Charles-Frédéric Wörth, des robes très vénéneuses. Elle aimait beaucoup le vert, les rousses, ça leur va beaucoup. Elle était comme une espèce d'insecte social. Alors on peut dire un mot justement de Charles Frederick Worth. Tout ça, c'est des gens qui, finalement, s'ils n'avaient pas existé, n'auraient peut-être pas pu, enfin ou plutôt Chanel elle-même n'aurait peut-être pas été Chanel. Elle a appris d'eux, elle est héritière d'eux. Et lui, ce qu'il apporte, c'est peut-être d'être le premier à poser vraiment une griffe. C'est, dites-vous, le premier vraiment couturier. En fait, c'est très exceptionnel de commencer une histoire d'une discipline de cette manière. Avant, il y a des maîtres tailleurs, des fabricants de tissus, et c'est la cliente qui décide. Et les modes évoluent de 20 ans en 20 ans, avec des micro-détails. À partir de Worth, il y a tout un mécanisme de la mode contemporaine qui se met en place. C'est-à-dire, non seulement il invente une discipline, la haute couture, qui explique aux femmes qu'elles vont renouveler leur garde-robe tous les 6 mois par des collections saisonnières. Il invente la saisonnalité, il invente le renouvellement des modes, il invente la position du sujet couturier, parce qu'il se sent très artiste. Il dit qu'à part Dieu et lui, il n'y a pas grand monde qui existe sur Terre. Et puis, ça n'a pas qu'une valeur narcissique pour, contredire les contrefaçons qui sont nombreuses, il décide de poser une griffe manuscrite de son nom, comme les peintres le font en bas d'étoiles, mais aussi pour reconnaître les vêtements. Parce qu'il faut savoir qu'à une époque, les clientes ramenaient beaucoup de vêtements à réparer, à ajuster, et certaines se trompaient. Elles amenaient chez un couturier la robe qu'elles avaient achetée chez l'autre. Alors Worth a dit, ça suffit, on va pas continuer comme ça. Et il a inventé une forme de marketing, pour le meilleur ou pour le pire, on peut y réfléchir, qui est vraiment le nôtre aujourd'hui. Troisième nom qu'il faut citer, c'est Paul Poiret. Lui, c'est le couturier artiste, le couturier qui aime la fête, qui est dans un monde de rêve, qui sera pour le coup une couture dont ne s'inspirera pas Chanel, puisque pour Chanel, il s'agit quand même de privilégier aussi l'usage. Or, dans les robes de Paul Poiret, on ne devait pas être très très à l'aise. Non, mais Poiret, on peut dire que c'est vraiment le couturier qui fait entrer la mode dans le XXe siècle. Worth, c'est très XIXe. Et Poiret, vraiment, c'est lui avec, en supprimant le corset, c'est pas rien. Je pense que Chanel est venu aussi grâce à cela, à cette première libération du corps féminin. Il a libéré la femme du corset, mais il l'a entravée dans les jambes et il l'a déguisée en odalisque. Mais c'est quand même beaucoup de signes avant l'heure d'une réaction, d'une réflexion sur la mode. Et même si, là, il y a cette anecdote fameuse, il se retrouve à une soirée, Paul Poiret voit arriver Chanel dans une petite robe noire absolument neutre et très très simple. Et il lui dit, mademoiselle Chanel, de qui êtes-vous en deuil? Et Chanel de lui répondre, mais de vous, monsieur Poiret. Et c'est un peu l'histoire de ces années 20. En effet, la mode de Chanel vaut par ce qu'elle est, mais elle vaut aussi par ce qu'elle vient briser, ce qu'elle vient fracasser en réaction. Il y a aussi de très beaux moments dans l'allure de Chanel de Paul Morand, où Chanel elle-même dit qu'elle est à l'opéra, qu'elle voit toutes ces couleurs de Diaghilev, qu'elle voit toute l'influence de Poiret et qu'elle dit « toutes ces femmes qui sont déguisées en perroquet, je vais les foutre en noir ». Et c'est vraiment un moment de réaction qui va de pair avec ce moment de grande émancipation féminine. Parce que justement, on n'est plus dans le costume avec Chanel. Oui. Il ne s'agit pas de faire le spectacle. Non. Et alors c'est vrai qu'on peut considérer que Poiret, avec toutes les grandes collections qu'il a faites, c'était une manière aussi de laisser la femme, non pas au centre du monde, mais au centre de ses vêtements. Donc elle avait plus de corset, mais elle avait une espèce de... Elle était déguisée comme une sultane d'un monde oriental rêvé, absolument pas fait pour la vie, qui a eu quand même son influence, mais qui est une étape, c'est un entre-deux qui a fait évoluer la mode. Au-delà des vêtements, je pense que l'influence de Poiret, qui a beaucoup servi de chemin de fer à Chanel, c'est qu'il a indiqué d'autres méthodes d'entrée dans la mode. Dès les années 10, on disait déjà que la haute couture n'était pas viable, qu'il fallait trouver des marchepieds pour tenir une maison, et que Poiret s'est attaché à produire immédiatement en faisant des parfums. Il a été beaucoup décrié, tout le monde a dit non, c'est une grande vulgarité qu'un grand couturier fasse des parfums. On voit le succès que ça a eu. Et la maison Chanel fera aussi ses parfums. Grand parfum. Et il a fait de la décoration, il a fait des papiers peints, il a fait des écoles, l'œuvre annexe de mode de Paul Poiret est immense. Et surtout, il donne un statut au couturier qui est vraiment celui du couturier contemporain sur lequel Chanel va aussi beaucoup travailler. Mais est-ce qu'elle-même va rendre hommage à ces couturiers donc qui la précèdent, ou est-ce qu'au contraire, il s'agit plutôt de les faire oublier ? Très peu. Je me suis attaché à regarder un peu les moments pour lesquels elle prenait, sur lesquels elle prenait la parole. Alors non, on entend parler de Poiret à mots couverts ou parfois très franchement comme un refus. Elle refuse d'être déguisée dans cette mode-là. On n'entend pas parler de Lanvin, elle parle jamais de Madeleine Vionnet. Ce qui me laisse à penser que s'agissant de Chanel, si elle ne parle pas de quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une forme un petit peu d'attention, je dirais pas de respect. En tout cas, de distance bienveillante, si tant est que ce mot puisse exister dans sa nature. Mais non, on n'entend jamais parler. Il y a une personne quand même qui est très, très proche de Chanel. Et vraiment, dans l'histoire, elle peut remercier le ciel qu'il soit mort très rapidement, c'est Jean Patou. Parce qu'ils étaient vraiment les deux sur le même terrain. Ils étaient sur le vêtement un petit peu de sport. Vêtement de sport. Mmh. Et on peut dire presque que c'est Jean Patou qui l'a introduit le premier, avec une grande classe, avec ce grand goût de faire venir des États-Unis des filles américaines pour ses défilés, c'est le premier. Il a amené des États-Unis non seulement une nouvelle mode, mais un nouveau corps, et qui est en partie celui de Chanel. Et eux deux étaient vraiment sur un territoire très commun. Chanel, en étant une femme, a appuyé sur l'accélérateur plus fort. En tout cas, c'est pas tout. Dans ce contexte que va arriver la très jeune Gabrielle Chanel, dont voici un élément de formation. Le pensionnat Notre-Dame en particulier donne les fenêtres ouvrent sur le collège des garçons. Et elle voit les collégiens de Moulins à l'heure de la récréation dans la cour, qui vont et viennent, qui envoient l'un d'eux en catimini en face, acheter très très vite à l'épicerie voisine ce que l'on appelait des croquignards, c'est-à-dire ces gâteaux nougat en patois du Bourbonnais. Et puis elle voit le vieux Briscard, soldat réchappé de toutes les guerres, qui est comme bien entendu le surveillant de la récréation, qui lui va chez le marchand de tabac acheter ce que l'on appelait à Moulins à l'époque des crapulos, c'est-à-dire des petits cigares bon marché. Mmh. Et surtout, ce qui l'intéresse beaucoup plus que tout ça, c'est de voir comment étaient habillés les collégiens. Elle n'avait simplement jamais vu ça. Il n'y avait pas de voisins à Aubazine, elle ne donnait que sur les collines. Et elle voit des garçons qui sont habillés avec des blouses noires, un petit col blanc, sous le col blanc une lavalière bouffante. Oui. Et elle trouve ce costume assez joli. Et puis 35 ans, 45 ans plus tard, nous verrons les modèles d'une jeune couturière très en vue qui s'appelle Chanel, et nous la voyons lancer sur le marché mondial un tailleur noir avec un col blanc, une lavalière, des boutons dorés, qui est exactement le costume des collégiens de Moulins. Alors nous pouvons très bien dire que le best-seller, sans rien inventer, que le best-seller mondial des collections Chanel qu'elle a répété toute sa vie, car il y a toujours eu le même modèle. Elle changeait de collection, mais il restait toujours ce modèle comme un leitmotiv, est né à Moulins. Supersonique, mec, très très court et très très très chic. Supersonique, magnifique, très très court et très très chic. La compagnie des œuvres sur France Culture, vous êtes d'accord Olivier Saillard avec ce que se disait en archive Edmond de Charleroux sur la naissance du vêtement phare de Chanel? Oui, c'est toujours assez invérifiable de regarder l'histoire de Chanel, mais il faut le prendre comme tel d'ailleurs. Qu'elle dise des choses vraies ou des mensonges, Chanel ne fait que fabriquer sa propre industrie de soi. Alors il y a beaucoup, et après de la part des historiens, dont Edmond, on a beaucoup rêvé donner des justifications à cette mode. C'est invérifiable, comme il est invérifiable qu'elle ait été à l'abbaye de Aubazine. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont... Ah ça c'est invérifiable ? Invérifiable, il n'y a pas son nom. Donc il y a des théories, des contre-théories. Tout existe au sujet de Chanel. Je pense que on est sur une espèce d'architecture personnelle assez fiable, en tout cas géographique, mais après que elle-même a beaucoup romancé, l'histoire des biographies de Chanel dit aussi un peu ça, que ce soit celle de Louise de Villemorin qui ne vaut rien, parce qu'elle n'a dit que des mensonges. Mais c'est intéressant d'analyser à quel moment elle ment. Je pense que ça donne une localisation des gènes et des embarras de Mademoiselle Chanel assez intéressant, je trouve, pour cela. La biographie de Morand est probablement pour moi, à mon sens, la meilleure, parce que il est sur un profil, un portrait de Mademoiselle Chanel. Et donc on peut moins se tromper quand on est dans le portrait. Moins se tromper quand même. Et puis il était fin, Morand. Il était, enfin, plus que fin. Il la connaissait. Il la connaissait. Et c'est-à-dire qu'il n'agit pas comme un criminologue qui retrace année par année le trajectoire de Chanel, mais sur une philosophie de Chanel qui est assez bonne. Et puis Edmond a voulu faire ce travail un petit peu d'enquête, un petit peu trop précis, Edmond de Charleroux, sans que l'on sache vraiment s'il y a des choses. Donc je pourrais pas m'exprimer sur les écoliers de Moulins. Combien de temps elle a été à Moulins, j'en sais rien. Probablement oui, je sais pas. Je crois qu'elle a surtout pour elle l'époque. Et que comme c'était une fille avec une niaque énorme, et une revanche sociale, une revanche mondaine, et alors c'est rien de le dire aujourd'hui, être une femme, passer d'un milieu social à une autre et être une femme dans ce milieu de la mode, c'était un grand parcours qu'elle ne pouvait accomplir que s'il y avait aussi ce mouvement de fond des femmes elles-mêmes. Et les années 20, on l'a vu, depuis que la guerre de 14 a éclaté, ont dû épouser des travaux, ont dû épouser des fonctions, et c'est là-dessus qu'elle construit son succès. Oui, parce qu'on peut pas comprendre les années 20 sans se souvenir que elles suivent directement la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que ça change dans le domaine de la mode précisément ? Alors c'est fondamental. Jusqu'en 14, on peut dire qu'on a les restes d'une clientèle qui s'habille Belle Époque, comme la Greffule qu'on a nommée en Vorte, ou d'autres qui ont pris le pas avec Paul Poiret. En 14, tout s'arrête. C'est vraiment le début du 20e siècle. En termes stylistiques de mode, on fait commencer le 20e en 14, parce que là, tout à coup, tout le monde part au front. On sait la boucherie que c'est. Les femmes sont très seules. Elles perdent les fils, les amants, les pères, les frères, et elles doivent travailler. Elles sont obligées de couper leur robe, parce qu'il faut bien marcher, il faut bien aller au travail. Il y a les premières esquisses d'un tailleur qui se mettent en place. L'histoire de la mode contemporaine pour la femme, selon ses usages, naît après 14 de l'obligation d'aller travailler et de remplir des fonctions qui étaient honorées jusqu'à présent par l'homme. Mais la comtesse Greffule, elle n'est pas allée travailler, si ? Pas à travailler, mais il y avait les missions sociales, les aventures humaines que l'on mettait au même titre que prendre le thé, mais elle était pas obligée, mais la garde-robe s'est modifiée. Après, on peut plus revenir en arrière, puisque c'est trahir une génération, un âge. Donc il faut simplifier, pardonnez-moi. Il faut vraiment simplifier. Donc tout à coup, il y a moins d'ornements, il y a moins de tissus aussi. Hein. Il y a aussi des raisons de pénurie qui font que le costume se simplifie. Les couleurs deviennent beaucoup plus neutres, respectueuses. On s'habille pas comme un perroquet de Poiret, justement, en période de guerre. Les couturiers eux-mêmes imaginent des tenues d'infirmière ou des tenues de veuve de guerre. Il y a quelque chose d'extrêmement simplifié. Et puis, on va dire que l'effet immédiat à la sortie de la guerre qui vient un petit peu ajouter à cette simplification, c'est l'entrée du sport dans la vie, l'entrée de la vitesse, l'entrée de l'automobile, l'entrée du sport, l'entrée d'un 20e siècle technologique où la vitesse a beaucoup à voir. Tout ce dont parle justement Paul Morand. Tout ce dont parle Paul Morand et tout aussi, vous voyez, 19e siècle, pour mettre une robe, il fallait avoir un mari, un amant, ou au plus que cela, des caméristes qui vous aidaient à agrafer, boutonner, lier, corseter. Une femme ne pouvait pas s'habiller seule. À partir de Chanel ou de Patou, elle peut enfiler un pull toute seule. J'avais 18 ans quand on m'a vu apparaître. J'étais une pensionnaire encore. Et comme je n'avais pas autre chose à me mettre, je suis restée avec les vêtements que j'avais. Et il n'y avait que cela qui m'allait. Et puis ça a été un succès, tout le monde me regardait. Alors je me suis dit, puisqu'elles aiment tellement ça, on va essayer de leur en faire fabriquer. J'ai fait la maison Chanel quand on a fait Deauville, vous savez. Alors ils ont construit cet hôtel Normandie. J'ai loué une boutique là, et je suis allée m'installer là. Le lendemain, il n'y avait plus rien dedans. J'ai envie de vous dire que j'ignorais le corset, que j'ignorais tout ça, et que j'avais à peu près le même poids que maintenant. C'est vous dire que je n'étais pas bien grosse et que c'était une époque où on se laissait un petit peu aller. Il y avait des corsets, il y avait des choses. Ça, je n'ai jamais porté de ma vie. Alors, je ne savais pas ce que c'était et ça me semblait très joli. Mais comme je n'avais rien à mettre dedans, c'était un petit peu gênant. Et je me suis servi de ce qui était mes défauts dans cette époque-là pour faire un nouveau style qui a plu. Il aurait pu ne pas plaire. C'est la chance. Voyez-vous, c'est la chance que je remercierai toujours parce que c'est surtout la chance qui m'a aidée. They're coming from all around. Flying down that wide highway. coming like crowds, like never before. Her being the one. Donc Chanel jette le corset à la poubelle, ça entraîne des grandes conséquences parce qu'elle change la silhouette des Françaises. Est-ce qu'on peut dire que Chanel a fait la femme française à son image? Est-ce qu'elle a fait maigrir les Françaises et ensuite peut-être les femmes de tout le monde occidental? C'est vrai, là je pense que c'est assez vrai, qu'elle le veuille ou non, mais en tout cas elle en est plutôt fière. Chanel a inventé la minceur un peu, elle a apporté la minceur. C'est vrai que jusqu'alors on pouvait corriger, contredire les quelques amas, les volumes par les corsets, etc. Et puis il y avait un charme de la cocotte qui était opulente. Il fallait avoir des chairs un peu. Une femme maigre, non, c'était pas une femme en bonne santé. Jusqu'en 14, non, il fallait vraiment un peu toujours rester plus ou moins lié à cette esthétique à la Renoir d'une femme assise, allongée, une odalisque vraiment tout en chair. Chanel, en effet, qui était très mince, on peut le dire, a porté cette attitude de mode. C'est-à-dire qu'on n'est pas habillé que de ses vêtements, on est aussi habillé... On peut dire que même, en faisant raccourci, que le corset de Chanel, c'est la minceur. Et on va voir à quel point la minceur est devenue le corset principal. Donc elle libère la femme, mais tout en posant une nouvelle contrainte. Elle, ce n'était pas un problème, puisqu'elle était extrêmement nerveuse et maigre. Mais pour toutes les autres qui ne le sont pas, on va voir la difficulté que le XXe siècle va leur proposer pour atteindre à ce corps idéal maigre, vraiment. Alors, on a beaucoup opposé Chanel et Elsa Schiaparelli, qui apparaît à la fin des années 20. Mais vous vous intéressez davantage, Olivier Saillard, à l'opposition ou le rapprochement qu'on peut faire avec Madeleine Vionnet. Oui, Vionnet. Je suis plus intrigué du silence absolu dans lequel Chanel a tenu Vionnet. C'est toujours les silences de Chanel qu'il faut regarder. Voilà. Hein. Parce que sur Schiaparelli, ça y allait. Et puis elle savait bien qu'elle jouait pas dans la même cour. Même si l'une avait une forme d'aristocratie pour elle, Schiaparelli, elle est née dedans, elle a travaillé pour les artistes. Mais elle savait très bien que elle avait une mission beaucoup plus étendue, Chanel, en habillant toutes les femmes, que Schiaparelli habillait une catégorie de femmes. Et d'ailleurs, la mode Schiaparelli est très très courte, c'est 10 ans à peine, et lorsqu'elle revient après la Seconde Guerre mondiale, elle n'arrive pas à renaître avec une maison qui a pris des signes de faiblesse. Chanel, c'est autre chose, vraiment. Et en effet, Vionnet, qui était... Mais elle s'arrête beaucoup plus tôt, Vionnet. Donc, elle a aussi pour elle un geste de simplification. Elle a la virtuosité technique du coupeur de la couture que Chanel n'a pas, mais qu'elle ne veut pas avoir. Chanel, elle veut simplifier. Elle sait coudre, elle sait bâtir un vêtement, mais elle veut qu'on puisse bouger dedans. Alors Vionnet, on peut dire qu'on pouvait bouger dedans, mais il y a aussi quelque chose de très cultivé dans la mode de Vionnet, qui est peut-être aussi une frontière sociale, quelque part. Mais bon, personne ne parlait de Vionnet à charge, hein, parce que c'était un maître. Hein. Et pourtant, toutes les deux ont un parcours qui pourrait sembler similaire. Des filles d'extraction très modeste qui arrivent à Paris, qui commencent dans des chambres de bonne et qui ont vraiment, elles auraient pu se parler. La grande différence, c'est que, comment dire, Madeleine Vionnet n'avait pas un physique pour elle. C'était un physique de Franche-Comté, un peu épais. Elle disait que c'était pas possible. Je n'avais pas de cou et j'aime les coups. J'étais trapu et j'aime les femmes grandes. Je n'avais que mes mains. Voilà, exactement. Vionnet. C'est ce que Vionnet disait. Alors que Chanel, et ça va être en 37 un signe fort, elle est à la fois, pour la première fois de l'histoire de la mode, le couturier et son propre mannequin. Ça n'était pas arrivé avant. À tel point qu'en 37, elle va décider de poser elle-même pour une publicité de son parfum, le numéro 5. C'est la première fois, si on voulait analyser le statut des couturiers, comment il évolue et comment il se starifie, Chanel est en effet un carrefour très très fondamental. Parce qu'elle était très belle, il faut quand même le dire. Très belle, je ne sais pas trop, parce que quand on regarde, elle était très autoritaire. Froide, enfin, quand même. Autoritaire, je pense. Froide et décidée. Ce qui n'était pas le propre des beautés de l'époque. Il fallait un peu avoir, ou se prendre pour Greta Garbo et avoir les yeux un peu dans le vague. Mais en plus, ce statut, on ne peut pas identifier, on ne peut pas dissocier la beauté de Chanel de ce qu'elle fait. C'est-à-dire une femme d'affaires c'est la qui est belle girl. Pour ça, voilà. Ouais. Et ça plaisait. beaucoup. Alors, sur Madeleine Vionnet, il faut peut-être dire un mot du procès de 1922, parce que ça, ça change un petit peu l'atmosphère de l'industrie de la mode beaucoup, de l'époque. Vionnet a été vraiment celle qui a donné des vertus d'architecture, de sculpture au métier de la mode, c'est-à-dire que d'une simple mousseline, et c'est un tissu difficile à travailler, elle faisait des œuvres vestimentaires qui n'ont jamais été surpassées. Et aussi, elle s'est donné une mission de défendre les métiers de la mode. Jusqu'à elle, jusqu'en 22, un fameux procès qui est relaté dans les magazines, où elle fait jurisprudence, il n'y avait pas de propriété artistique clairement énoncée pour les métiers de la mode. Elle-même va faire une étiquette, une griffe, où elle met l'empreinte de son pouce sur la griffe pour que ça soit plus difficile à déceler, que les copieurs... Et une empreinte digitale. Une empreinte digitale qui est dupliquée, mais c'est son empreinte digitale qui est dessus, pour que les contrefacteurs ne puissent pas refaire la griffe comme il le souhaite. Et il y a un grand procès qui l'oppose en 22 à des copieurs qu'elle gagne. Et grâce à elle, tous les métiers de la mode vont pouvoir bénéficier de cette protection artistique que les autres disciplines avaient. Mademoiselle, les robes que vous avez créées l'année dernière ont été imitées ou copiées dans le monde entier. Les confectionneurs de presque tous les pays du monde ont reproduit vos modèles à des milliers d'exemplaires. Le style Chanel est descendu dans la rue. Est-ce que vous en êtes satisfaite? Ah, j'en suis ravie. Évidemment, c'est ce que j'ai cherché, c'était mon but. Créer un style, il n'y en avait plus, à mon sens, car il n'y a pas de style en France. Il y a un style dans une nation, il y a un style quand les gens de la rue sont habillés comme vous. Et je crois être parvenu à ça. Mais je ne crois pas à la copie, je crois à l'imitation. C'est déjà bien beau d'être arrivé à l'imitation. C'est plus important même. Mais même ce qu'il y a de plus important. La copie, c'est une chose très difficile qui ne se pratique plus. Vous savez, on a pourchassé toutes les petites couturières, enfin, on a fait un tas d'histoires pour défendre des choses inexistantes. Car ça m'a toujours semblé, ce qui m'a semblé le plus ridicule, c'est qu'on veuille défendre une mode, on ne peut pas défendre la mode. Pourquoi la défendre? Elle n'est pas une mode si personne ne la voit. Vous comprenez? Et on veut la défendre. Alors, il y a là beaucoup d'histoires, je ne suis pas très au courant d'ailleurs, vous ne m'avez pas posé cette question, mais enfin, je vous dis que c'est un des problèmes aussi. Pas le mien, mais celui de la haute couture, c'est la peur insensée de la copie. Il faut être... Alors que pour moi, la copie, c'est le succès. Il n'y a pas de succès sans copie, sans imitation, ça n'existe pas. My guy pretty like a girl, and he got five stories to tell. I see both sides like Chanel, see on both sides like Chanel. Swimming laps through pool water, eating like I'm underworld. Had my tattoos in Shibuya. Visiblement pour Chanel, la copie n'est pas un problème. Est-ce qu'elle fait référence, croyez-vous, Olivier Sayard, au procès justement de Madeleine Vionnet quand elle dit on a pourchassé les petites couturières? C'est juste ce qu'elle dit, et c'est habile la distinction entre l'imitation et la copie. C'est vrai que pour refaire une copie de Vionnet ou une copie de Chanel, il faut les bons tissus, il faut une bonne main, etc. Ça, c'est une chose à part qu'on n'apprend pas à faire et qui se voit vraiment à l'œil nu, même lorsqu'on n'est pas spécialiste. L'imitation, c'est la clé du succès. En effet, si la rue ne se met pas au diapason d'une mode lancée par un couturier, ça veut dire qu'elle n'est pas arrivée à son but. Et on peut se dire, à ce sujet-là, que Chanel, en inventant cette petite robe noire en 26, qui est vraiment... un carré noir sur fond blanc dans la mode, c'est vraiment quelque chose d'un avant-après. Et en plus, elle est la seule à revenir en 54 avec l'édification d'un costume moderne qui est le tailleur. C'est deux grands moments, même pas de mode, c'est des solutions vestimentaires qui sont absolument définitives pour la mode. Et ça, ça peut se prêter à imitation, et c'est d'ailleurs ce qui a fait le succès. Et ça, c'est imité dès les années 20 et le début des années 30. Années 20, oui, la petite robe noire. Après, tous les couturiers vont faire des petites robes noires dans leur collection parce que c'était une sorte de passe-partout idéal pour aller du matin au soir et peut-être en rajoutant des bijoux. Non, c'était vraiment... C'est une grande, grande force. On peut dire qu'elle est la mère du minimalisme, de l'essentialisme. Elle a fait entrer la mode dans une temporalité moderne, vraiment. Allez, on va continuer de parler de tout cela avec vous. Vous, Olivier Sayard, mais tout de suite notre habituel pas de côté avec la chronique du jeudi. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Une chronique du jeudi que nous propose aujourd'hui Nathalie Frolov, professeure en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris. Bonjour Nathalie. Bonjour Mathieu. Vous vous êtes demandé aujourd'hui comment la mode devenait de la littérature à partir d'un livre de Lydia Flemme. Oui, Lydia Flemme, dans son livre « Je me souviens de l'imperméable rouge que je portais l'été de mes 20 ans », elle s'inspire de Pérec et elle reprend la structure de ce célèbre livre « Je me souviens », mais elle va proposer une sorte d'autobiographie par les vêtements. Comme elle le dit, je cite, « Un corps, c'est une manière de se mouvoir, d'exister dans l'espace, nos habits nous habillent, mais c'est nous qui les habitons ». Donc parmi les rares couturiers évoqués dans ce livre, on va retrouver en fait à la première place Coco Chanel. Non pas que Lydia Flemme ait jamais possédé des habits de cette marque, hein, mais pour ponctuer et rappeler des moments historiques par le biais de vêtements et de parfums devenus iconiques, on pourrait dire, hein, tels des nouvelles mythologies. Apparaissent ainsi dans ces vignettes de Je me souviens, je cite, le tailleur Chanel Rose que portait Jackie Kennedy à Dallas le 22 novembre 63, puis ce même tailleur porté par Simone Veil, je cite encore, défendant à l'Assemblée nationale sous les huées et les injures le droit des femmes à avorter en faisant passer la loi, et enfin, bien sûr, surgit Marilyn qui disait ne porter au lit qu'une goutte de parfum, Chanel numéro 5, of course. Citer ainsi Coco Chanel, c'est vouloir déployer l'histoire, mais par le biais de la mémoire collective, qui est chère à Maurice Aulbouax, c'est donner corps à des photographies qui n'étaient plus que des clichés. C'est donc, en quelque sorte, faire entrer en littérature ce qui peut sembler minuscule, les vêtements ou dénué de sens. Et ainsi, c'est renouer en quelque sorte le fil avec la tapisserie de Pénélope ou avec les robes et les manteaux de Fortuny qu'évoque Proust et à sa suite Gérard Massé. Pour mettre en lumière un petit peu meso voce ce rapport entre les vêtements de Coco Chanel et la littérature, Lydia Flemme renvoie à un article de Roland Barthes paru dans Marie Claire, article dans lequel Roland Barthes réfléchit à Coco Chanel et Courrèges, une espèce de lutte entre les deux. Lydia Flemme, donc, par cette intertextualité avec Barthes, donne une vraie clé de lecture de son livre, car parler du vêtement, c'est déjà faire œuvre de littérature, c'est identifier une trame, c'est inventer le fil d'une intrigue. Alors Barthes place Coco Chanel dans l'histoire littéraire au rang de nouvel écrivain classique. Je cite Barthes. Coco Chanel n'écrit pas avec du papier et de l'encre, sauf à ses moments perdus, mais avec de l'étoffe, des formes, des couleurs. Cela n'empêche pas qu'on lui prête communément l'autorité et le panache d'un écrivain du grand siècle, élégante comme Racine, janséniste comme Pascal, qu'elle cite, philosophe comme La Rochefoucauld, qu'elle imite en donnant elle aussi au public des petites maximes, et surtout sensible comme Madame de Sévigné. Alors comment Barthes fait-il pour faire de Chanel une femme écrivain, une écrivaine à part entière ? Alors Barthes va filer cette métaphore d'une Coco Chanel créatrice et romancière grâce au style qu'elle invente par opposition à la mode éphémère de Courrèges, mais grâce aussi à l'exact parallèle qu'il dresse entre les vêtements de Chanel et le goût qu'il suscite. Il dit que les inventions de cette couturière plaisent ou irritent exactement comme un roman, un film ou un disque. On projette dans les tailleurs de Chanel tout ce qui s'agit de croyances, de préjugés, de sentiments et de résistances, bref, toute cette histoire de soi-même, que l'on appelle d'un mot peut-être un peu trop simple, goût. Barthes fait donc des vêtements de Chanel l'archétype de ce moment des années 20, qui voit les femmes enfin accéder au travail et à l'indépendance. Coco Chanel incarne en effet l'allure de Paul Morand, qui fera entendre justement la voix de Mademoiselle dans un roman à la première personne. Mais elle représente aussi, comme le dit Barthes, l'essence. Alors là, je file une autre métaphore, celle du parfum. C'est l'essence du voyage moderne et aristocratique chanté par Valérie Larbeau. Plus qu'avec Morand, peut-être, le parallèle avec Larbeau s'impose. Coco Chanel, c'est une icône, bien sûr, c'est un mythe, c'est un personnage de roman, c'est une marque de luxe, mais elle représente surtout un peu de prose française, comme le disait Marcel Arlan de Valérie Larbeau, c'est-à-dire un voyage entre le Ritz, Deauville, Biarritz, mais aussi un voyage littéraire en tant que créatrice à tous les sens du terme. Elle révèle les corps à eux-mêmes, en les nommant d'une nouvelle manière, comme des échos lointains des années folles, Sycomore, Belle Respiro, Bois des Îles ou Coromandel. Merci beaucoup Nathalie Frolov. Rappelez-nous le long titre de ce livre de Lydia Flemme. Très intéressant, c'est « Je me souviens de l'imperméable rouge que je portais l'été de mes 20 ans ». Il a paru en 2016. Voilà un très bon conseil de lecture. Merci Nathalie, à bientôt. Merci. Démodé, pas démodé, vous savez. Hein, la mode et la musique, c'est identique. On peut créer sa petite musique de chambre soi-même. Et c'est pour ça que je trouve que mode et musique, pas parce que ça commence tous les deux par un M, c'est des choses qui vont très très bien ensemble. Parce que la musique aussi, elle exprime son époque. Qu'est-ce que vous pensez de l'époque baroque s'il n'y avait pas la musique baroque ? La compagnie des œuvres, suite et fin de notre cycle consacré aux années 20, avec une dernière émission sur la mode dans ces années-là et autour, et en particulier la mode de Gabrielle Chanel, l'inventeuse, on en parlait en première partie, de la petite robe noire. Je me rappelle avoir regardé vers cette époque la salle de l'opéra du fond d'une loge. Tout ce bariolage renaissant me choquait. Ces rouges, ces verts, ces bleus électriques me causaient des nausées. Les ballets russes, c'est de la décoration scénique, ce n'est pas de la couture. Je me rappelle fort bien avoir dit alors à quelqu'un qui se trouvait à mes côtés « Ces couleurs sont impossibles. Ces femmes, je vais les foutre en noir. » J'ai donc imposé le noir. Il règne encore, car le noir flanque tout par terre. J'ai dit que le noir tenait tout, le blanc aussi. Ils sont d'une beauté absolue. C'est l'accord parfait. Mettez des femmes en blanc ou en noir dans un bal, on ne voit plus qu'elles. Ce qui est assez fascinant, Olivier Saillard, c'est l'impression qu'on a que Chanel se venge littéralement de ce qui a précédé. C'est une vengeance sociale et esthétique sur la mode et ceux qui faisaient la mode avant elle. Et là, on l'entend bien avec l'invention de cette petite robe noire. Oui, il y a vraiment une volonté de fracture chez Chanel qui domine toujours tous ses gestes. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'adresser au monde sans le contredire et puis aussi sans donner une solution qui est réelle. C'est vraiment, elle réussit à joindre les deux exigences de la mode, c'est-à-dire une part de frivolité. Il faut pas le refuser. Il y a des tailleurs un peu frivoles. Il y a des robes du soir de Chanel un peu frivoles. Enfin, en tout cas, cet artifice d'où est née la mode. Mais il est toujours, conjugué à une forme de mathématique du corps, une académie du corps que Chanel tient pour être plus importante que le vêtement. Et c'est en cela qu'elle donne l'idée d'un style. C'est vrai qu'on parle beaucoup de style dans cette émission. Le mot style apparaît avec Chanel. Elle dit elle-même qu'à force d'inventer tous les 6 mois des collections, on finit par faire des choses très laides. Et c'est pour cela qu'elle a besoin de ce moule, de ce carbone qui est une robe noire ou un tailleur pour essayer de l'affiner, de le répéter. Et je dis souvent que c'est beaucoup plus difficile de se répéter en mode que de changer d'idée, parce qu'on peut toutes les saisons avoir des idées plus ou moins bonnes, mais en tout cas qui font valeur de nouveauté. Se répéter, c'est prendre le risque aussi d'une lassitude. Or, si on n'est pas appuyé sur une vision très démocratique de la mode, je ne parle pas du prix, mais d'une solution vestimentaire, il y a eu quelques couturiers dans l'époque qui vont suivre, comme Saint-Laurent, comme Miyake, qui vont aussi essayer d'approcher cette valeur de démocratisation que Chanel avait puissamment en elle. Donc il y a comme le transfert d'une personnalité dans la forme des vêtements que cette personnalité fabrique, et on sait quel a été le succès des vêtements Chanel, comment la société a été profondément influencée par la silhouette de Chanel. Est-ce à dire que la personnalité un peu dure aussi de Chanel a influencé son époque? Sûrement. En plus, elle était très... Elle a rendu le monde plus dur, alors? Je ne sais pas si elle a rendu le monde plus dur, parce qu'il était largement un petit peu, comment dire, en mauvais point, en mauvais état lorsqu'elle était là. On sortait d'une guerre qui avait été une boucherie. C'était vraiment, lorsque on lit tous les auteurs et les témoignages, etc., toute cette jeune génération qui avait vu tous ces jeunes soldats mourir, c'était un grand cataclysme humain. On pensait que ça serait la dernière fois, que ça ne reviendrait plus, et on va voir que ça va être encore pire. Donc il y a cette génération entre les deux mondes qui est précisément en train d'inventer le XXe siècle et de constater combien c'est peine perdue, je dirais. Donc je trouve que Chanel, en effet, est un bon personnage pour ça. Et qu'elle est un... C'était très intéressant ce que l'on entendait sur le format littéraire qu'elle épouse. En effet, elle est auteur, elle est sujet, elle est personnage, elle est fiction. C'est plus tellement très agréable, très essentiel de savoir quelle est la vérité de tout ça. C'est une véritable industrie romanesque et qui pour autant s'appuie sur des choses très très réelles. Alors avec Chanel, l'élégance va de pair avec l'économie. Ça, oui. C'est aussi un trait d'époque qu'on va retrouver d'ailleurs dans beaucoup de mouvements, que ce soit le Bauhaus par exemple, enfin tout un tas de pensées artistiques à la frontière des arts justement et du style de cette époque-là. Là aussi, c'est vraiment l'entre-deux-guerres qu'on retrouve dans ces vêtements. C'est l'entre-deux-guerres. Alors, quand vous parlez d'économie, je trouve qu'il y a en effet une économie stylistique qui va vers le moins. Parce que c'est plus avantageux. On peut dire l'assisement. C'est aussi une économie. Mademoiselle Chenet est une femme d'affaires. Un sou est un sou. Donc on fait pas on commence pas à faire des robes qui vont te vendre à 2-3 clientes et puis le reste pas. Il y a vraiment une exigence que ça marche. D'où le succès de ce parfum, d'où le succès de sa mode, d'où le succès des accessoires et puis après de tout ce qui va venir dans les années 50. C'est une femme terre à terre, pragmatique et qui n'idéalise pas le monde, qui essaie de le rendre plus beau. C'est un peu différent. Alors ça, c'est peut-être aussi la caractéristique d'un certain nombre d'autres créateurs, si on essaye d'ouvrir le champ de cette époque-là. Oui, des créateurs de mode, il y a une communauté, je parlais tout à l'heure de Jean Patou, ils sont assez proches. Lucien Lelong, dont le nom a complètement disparu, et qui était président de la chambre syndicale de la haute couture, a une mode très épurée. On voit que tous ont pris le pas sur un vêtement qui laisse parler le geste et le mouvement, alors qu'avant les femmes ne bougeaient pas. Et ça, c'est un mouvement de fond qui va s'affiner dans les années 30 et définitivement revenir dans les années 60. Il y a une chose intéressante stylistiquement et qui explique beaucoup Chanel, c'est qu'il y a beaucoup de points communs stylistiques entre les années 20 et les années 60. Ces petites robes courtes, ces robes qu'on disait des robes de garçonne, on va savoir pourquoi, mais parce qu'elles étaient très simples, elles n'avaient pas de col, elles n'avaient pas de manches, c'est des robes trois trous. C'est beaucoup ce que l'on va trouver dans les robes mini-jupes des années 60 et qui sont aussi sur le point de réépouser un mouvement d'émancipation. Il y a beaucoup, beaucoup à voir entre les deux décennies. C'est un petit peu comme si cette première décennie 20-30, ces premières décennies de l'entre-deux-guerres, c'était vraiment la jeunesse au pouvoir, brisée par la guerre. Et il faut attendre les années 60, finalement, pour se remettre de la guerre. Et c'est le retour de l'état d'esprit qui prévalait à l'époque. Il y a deux générations qui arrivent au pouvoir et qui sont brisées dans leur élan. Et dans les années 60, donc, elles ont attendu les années 50 que tout, se ramollisse un peu. Dior, qui était passé par là, avait remis les femmes dans un statut vraiment de girafe de luxe, un peu, avec des gaines là où on avait enlevé les corsets. Mademoiselle Chanel était outrée par tous ces couturiers masculins qu'elle appelait plus dessinateurs. Et c'est en cela, c'est aussi, encore une fois, en réaction de cette mode-là, qu'elle revient proposer le tailleur Chanel, qui est une solution de vie acceptable pour une femme qui veut bouger. Vous pensez que Dior vivait dans le passé, alors que Chanel avait mieux compris le mouvement Dior, de l'histoire. Dior, le new look de Dior, c'est une réminiscence de la belle époque. Le corset devient une gaine, les paniers sont des paddings, toute la mode de Dior, mais c'est ni condamnable ni vertueux. Ça enrageait Mademoiselle Chanel qui était en effet, qui trépignait dans son coin. Mais beaucoup de femmes dans toutes les décennies sont parfois émancipée ou consentante du fléau que les couturiers hommes veulent bien leur donner. Et ça a été le cas, on ne peut pas dire que ça n'a pas été un succès, parce que ça a vraiment, les années 50, c'est Dior, vraiment. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood, don't just stand there, let's get to it, strike a pose, there's nothing to it. Pourquoi les paquebots, les salons, les grands restaurants ne sont-ils jamais adaptés à leur vraie fin? Parce qu'ils sont conçus par des dessinateurs qui n'ont jamais vu une tempête, par des architectes qui n'ont jamais été dans le monde, par des décorateurs qui se couchent à 9h du soir et dînent en famille. De même, avant moi, les couturières se cachaient comme des tailleurs dans leur arrière-boutique, alors que moi, je menais la vie moderne. J'avais les façons, les goûts, les besoins de celles que j'habillais. La mode doit exprimer le lieu, le moment. C'est ici que l'adage commercial « Le client a toujours raison » prend son sens précis et clair. Ce sens-là signifie que la mode est, comme l'occasion, quelque chose qu'il faut saisir aux cheveux. Où est alors le génie du couturier? Le génie, c'est de prévoir. Plus que le grand homme d'État, le grand couturier est un homme qui a de l'avenir dans l'esprit. Son génie, c'est d'inventer en hiver des robes d'été et inversement. À l'heure où ses clientes prennent des bains de soleil caniculaires, lui pense au gel, au frima. La mode n'est pas un art, c'est un métier. Que l'art se serve de la mode, c'est assez pour la gloire de la mode. Il vaut mieux suivre la mode, même si elle est laide. S'en éloigner, c'est devenir aussitôt un personnage comique, ce qui est terrifiant. Personne n'est assez fort pour être plus fort que la mode. Extrait d'un entretien écrit avec Chanel, mais lu ici par Maud Rayer. Il y a une réflexion sur ce que c'est que la mode chez Chanel. Oui, il y a une réflexion sur ce qu'est de la mode et sur ce qu'est le vêtement. C'est un terme qui est assez peu utilisé de manière invraisemblable par les couturiers après les années 50, mais en effet, il y a une volonté de redonner un statut digne au vêtement. Le vêtement, c'est-à-dire, c'est une solution qui protège de la pluie, qui protège du froid, qui accompagne le mouvement. Pourquoi on a besoin de lever un bras à des certaines circonstances? Elle parle beaucoup de ça. Elle parle beaucoup, Chanel, de la mobilité qu'il y a sous les vêtements. Un vêtement ne s'apprécie pas fixe. On bouge tout le temps, même quand on bouge pas, elle l'explique dans des interviews, on est toujours en train de s'animer. Et ça, c'est une condition, une règle de base qui explique beaucoup, je pense, ce en quoi elle fait du style, elle se répète, et ce en quoi elle se sépare du renouvellement incessant des modes. Donc elle est du côté de l'artisanat, davantage que du côté de l'art, enfin d'une sorte d'artisanat d'art. Et là aussi, c'est une hypothèse que j'avance, on est peut-être justement dans cette rupture par rapport à la belle époque que constitue l'entre-deux-guerres, parce que la technique est beaucoup plus présente, et c'est vraiment l'idée que, avec la démocratisation aussi, on passe de l'art à l'artisanat d'art dans un certain nombre de domaines, et au design ensuite. Je pense aussi, après, il ne faut pas entendre dans l'artisanat d'art de Chanel que une catégorisation noble de broderie ou de choses comme ça. Il y a par exemple un sujet qu'on n'a pas évoqué. Elle est allée chercher dans des tissus très méprisés, très ignorés, comme par exemple les jerseys, qui étaient faits uniquement pour les sous-vêtements. Elle est allée puiser dans des vieux stocks chez Rodier, dans ce jersey-là, qui était là vraiment ignoré de la haute couture. Elle en a fait des vêtements très haute couture. Parce que elle avait identifié que dans ce matériau qui se prête à tous les mouvements, il y avait un artisanat de luxe, en ce sens, ce qui l'accompagnait le geste au mieux. Mmh. Donc, redéfinition du luxe, c'est-à-dire que c'est plus intemporel, plus adapté. C'est très joli ce qu'elle dit, très intéressant sur ce qu'elle dit sur le génie du couturier ou sur l'opportunité d'une création d'un auteur. En cela, je pense que vraiment, le corps était toujours cette académie du corps dont elle n'a cessé de parler et d'accompagner des femmes. C'est pas pour rien qu'elle n'a pas fait de mode masculine, par exemple. D'autres maisons s'y sont mis, mais pas elle. Et elle a beaucoup emprunté au vêtement masculin, qui est un vêtement beaucoup plus pratique. Aujourd'hui encore, n'importe quelle bête de mode, s'il ne peut pas bouger dans ses vêtements, un homme n'accepte pas cette cage-là. Seuls les couturiers masculins ont imposé aux femmes une certaine prison de luxe qu'elles ont acceptée, parfois avec un grand consentement. Elles savaient que ça allait être difficile, notamment encore aujourd'hui, des talons très hauts, c'est pas toujours facile, et elles y vont. Chanel, non, c'est autre chose. Il faut lui rendre hommage pour ça aussi. Il faut lui rendre hommage, et puis je pense qu'en 54, quand elle revient avec le tailleur, elle met en place le vocabulaire des années 60, qui va être celui de Courrèges ou de Cardin, ou de Saint-Laurent. Alors dans cette décennie aussi des années 20, il faut parler, on était sur les arts décoratifs à l'instant avec vous Olivier Saillard, il faut parler de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes qui date de 1925. D'ailleurs pour vous, il faudrait parler d'une petite décennie des années folles, parce que c'est vraiment, vous l'expliquez très bien, entre 1925 et 1930 que se situe l'acmé de ces années-là. Une grande acmé, comme une espèce de grande bouteille de champagne qui ne cesse de s'agiter pour pas regarder un petit peu le précipice. Ça va précipiter précisément beaucoup de couturiers dans l'oubli. Par exemple, Paul Poiret qui va dépenser des fortunes à mettre à quai des péniches qu'il redécore selon des thèmes. Donc pour cette exposition pour présenter des défilés, pour faire des restaurants. ans. Il ne voulait pas être assimilé aux autres créateurs qui exposaient. Qu'il avait à ce moment-là encore de grands moyens, qu'il a absolument englouti dans ses trois pénis. Il va, comment dire, protester beaucoup contre le public qu'il trouve un peu plouc pour l'époque. Il s'attendait à avoir de grandes personnes chic. Or, c'était le public d'une expo universelle, comme on peut le voir aujourd'hui, c'est-à-dire un tout public. Et donc, il a englouti des sommes, mais il a englouti un peu son style. C'est quelque chose de très... C'était déjà déclinant, et cette période des années folles qui voit en effet... Alors elle est intéressante stylistiquement parce que ce sont des robes simples, qui parce qu'elles sont simples deviennent très brodées, alors elles pèsent lourd sur le corps d'une femme, on accentue tout ce qui est extrémité des corps, avec des plumes, avec des turbans, avec des grands éventails de plumes, des sautoirs, des sacs, des chaussures... Tout ce qui était ignoré avant, plus ou moins à part les chapeaux, devient une règle de panache pour l'artifice. Mais c'est un court moment, les années 20, qui en effet va faire le tri dans toute la famille de mode. Tous ceux qui auront été des années 10 attachés à cet ornement comme Poiret vont avoir du mal à revenir. Donc au cours de cette exposition, on voit que tous les arts du monde ont influencé Paris, les arts asiatiques, les arts africains, les arts, pourquoi pas, russes. Donc on a l'impression que Chanel, peut-être mis à part, qui encore une fois reste un petit peu dans son couloir, on a l'impression qu'on va chercher comme ça à droite à gauche. C'est une caractéristique de l'époque ? C'est une caractéristique de l'époque. C'est à partir de ce moment-là que la recherche des exotismes bat son plein. Selon les découvertes que l'on peut faire en Égypte ou ailleurs ou à l'est de l'Europe, on a des collections qui deviennent infiniment proches d'un costume traditionnel. La recherche des exotismes date vraiment de là, et peut-être que d'ailleurs c'est à mettre en relation avec ce goût pour la recherche, pour la découverte des nouveaux mondes, alors que l'ancien vient de mourrir. Mm-hmm. Mais encore une fois, Chanel, elle ne cède pas à ce qui très peu, très peu. En une mode. Il y a très peu d'exotisme chez Chanel, je pense. Il y a très peu de motifs. Je ne peux pas dire il y a très peu de motifs figuratifs. Il y a du motif, mais il n'y a pas de figuration, de manière à ne pas être littéral. Alors il y a toujours cette histoire que Chanel n'aimait pas, cette question que les journalistes lui posaient. Oui, mais la longueur des robes, est-ce que cet été les robes seront courtes? Est-ce qu'elles seront longues? Qu'est-ce qu'on peut dire de la longueur des robes dans ces années 20 et qu'est-ce que Chanel va Alors la longueur des robes n'a jamais été précisément pendant les années folles aussi courte. C'est un des premiers moments du XXe siècle où les robes sont très très courtes. Il faut s'en remettre en mémoire que toutes les femmes avant 14 avaient des robes longues. Qu'elle soit d'origine modeste ou aristocrate, c'était la jupe, les jupons, tout est très long. Dans les années 20, elles vont commencer à être au genou et parfois elles remontent un peu sur le genou. Mm-hmm. On va attendre les années 60 pour avoir un mouvement de raccourcissement aussi net que dans les années 20. Chanel, en effet, a été quand même particulière. C'est étonnant d'ailleurs comment elle va être s'insurger contre les genoux alors qu'elle-même a été artisan des robes courtes dans les années 20. Mais en même temps qu'elle était l'artisan de ces robes courtes, elle inventait le pyjama de plage aussi, qui est un pyjama souple dans lequel les femmes peuvent se mouvoir alors qu'il était interdit qu'elles portent des pantalons. On a commencé cette émission avec une archive de Karl Lagerfeld. Je voudrais qu'on la termine aussi avec Karl Lagerfeld. Est-il le digne héritier ? A-t-il été le grand héritier de Chanel selon vous ? Alors, je crois qu'il a bien travaillé pour ça quand même. Il est un homme cultivé et il avait, je pense, au-delà des collections que l'on peut juger avec vraiment un regard très objectif, il y en a des moins bonnes et il y en a des excellentes, c'est pas ça qui vaut. Il y a le sentiment un peu d'une œuvre longue qui s'est fondée sur la philosophie de Chanel, c'est-à-dire en effet ce personnage qui est à la fois distributeur de bons mots, de choses un petit peu ciblées, délicieuses ou pas. Qui parle comme elle parfois. Qui parle comme elle, vraiment, il y a quand même une grande, grande ressemblance entre les deux personnes. Et puis, il va continuer, lui, toujours de se servir de ce papier carbone qui était la mode Chanel pour la défendre ou la brûler. Merci beaucoup Olivier Saillard d'être venu nous parler de la mode dans ces années 20 et de la mode de Chanel en particulier. Pour aller plus loin, on peut se procurer le bouquin de la mode, gros ouvrage de référence que vous avez coordonné et qui est édité par les éditions Robert Laffont. c'était la compagnie des œuvres, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière d'Ali Yara. Lundi, nous parlerons de toute autre chose puisque notre sujet sera Bernard-Marie Koltès. Et dans un instant, sur France Culture, on retrouve les sciences.